remercier Sébastien Roffat, qui, comme vous l'avez entendu, enfin chacun ici, je pense, sait le rôle qu'il a eu pour initier ce colloque, qui me semble d'un genre complètement nouveau, effectivement. Je suis là pour l'attester. Personnellement, je me sens ici un invité. Je ne suis pas un historien, mais j'ai toujours un intérêt très grand à me confronter au travail des historiens et à l'écriture de l'histoire. J'ai fait une thèse sur le cinéma d'animation qui était une thèse, on peut dire, d'ordre théorique au sens esthétique, c'est-à-dire qui a commencé tout simplement par se poser la question qui regarde l'histoire, qu'est-ce que c'est que le cinéma d'animation. Et là, un véritable problème s'est posé, puisque la définition n'est en aucun cas définie, et finalement, j'ai dû, et bien des années après, 30 ans, 20 ans après, je me rends compte qu'encore, il faut peut-être passer à une histoire, et c'est là que je reviens auprès des historiens, il faut passer sans doute à une histoire discursive pour avoir un état complet de la connaissance du cinéma d'animation, puisqu'après tout, la seule chose que j'ai découverte, c'est qu'avant 1953, on ne connaît pas l'expression cinéma d'animation. Donc il y a bien une réécriture de fait historienne, ou en tout cas une réécriture, un discours, qui se crée à partir de là, même si, on est bien d'accord, il y a eu des films d'animation bien avant. Le cinéma d'animation est une chose particulière, avec il y a donc une rupture extrêmement intéressante qui permet de relire l'histoire depuis ses débuts à partir du milieu des années 50, qui est quelque chose qui a à voir avec la modernité, je dirais même avec la modernité du cinéma tout entier, puisque c'est l'époque du free cinéma, de la nouvelle vague et des nouveaux cinémas qui sont après le classique. L'animation n'a pas échappé à ça, il y a eu une modernité du cinéma d'animation, mais en même temps, il y a eu un état général du cinéma qui a fait muter la pensée sur cette forme du cinéma qui, en aucun cas, n'est un genre. Donc, le dessin animé est un genre, et on écrit sur le dessin animé sans aucun problème, on considère qu'il existe. L'animation n'est pas un genre, c'est une forme, c'est un discours, c'est une idée, et en cela, c'est encore plus intéressant. Alors, je note une nouveauté qui intéresse mon travail d'historien très énoncé, c'est le S à cinéma d'animation, qu'on ne voit plus maintenant, mais qui est sur le programme, qui est extrêmement intéressant et qui parle de la richesse, justement, de pensée autour du cinéma d'animation. Donc, voilà, je me sens, je suis enfin très heureux que Sébastien m'ait confié le début de cette matinée, qui fait aussi l'ouverture du colloque, au sens où j'ai la sensation très étrange et qui reste absolument modeste d'être celui qui a été nommé, qui a été payé par l'État le premier, en tant que maître de conférence à l'université et qui avait fait une thèse sur le cinéma d'animation. Je crois que c'est le cas. Donc je suis une espèce de bête curieuse historique. Alors peut-être que c'est parce que j'avais aussi travaillé sur Pasolini et que j'avais aussi travaillé sur André Bazin et qu'il y a d'autres éléments, parce qu'il n'est pas si évident qu'on recrute quelqu'un dans les années 90 qui aurait uniquement travaillé sur le cinéma d'animation, comme il vient d'être dit. Mais enfin, c'est une chose très importante. Depuis, les choses ont beaucoup bougé. Et je suis extrêmement curieux d'entendre ce qui va se dire sur l'actualité de la recherche, l'actualité de la présence du cinéma d'animation à l'intérieur de l'université, parce que j'ai été très très longtemps seul. Je ne suis pas le premier à avoir écrit une thèse. Georges Sifianos avait écrit une thèse avant moi. Marie-Thérèse Poncet avait écrit une thèse dans les années 50 avec Étienne Souriot, ce qui n'était pas rien. Mais enfin, André Martin, qui est le vrai écrivain, le vrai penseur, le vrai théoricien, peut-être le seul au monde à avoir une œuvre aussi importante de réflexion sur le cinéma d'animation, pas seulement d'historien, surtout valable pour la pensée, tenait la thèse de Marie-Thérèse Poncet pour peu. Je suis un peu d'accord avec lui, c'était un peu farfelu, mais enfin, c'était les tout débuts du cinéma à la Sorbonne, c'était un cas totalement exceptionnel. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a documenté le cinéma d'animation d'une autre manière. Et le fond de l'Institut Lumière en atteste. Voilà. Je dois dire que je m'inscris un tout petit peu en faux avec un raccourci que vient de faire Sébastien. Moi aussi, je pense que Raymond Maillet a été cité, tu as bien fait de le citer en tant que premier, non pas en premier historien, moi je ne l'appellerai pas historien, mais plutôt historien, comme tu disais, c'est un archiviste, c'est un collectionneur archiviste qui a eu la chance d'être le directeur du Festival d'Annecy quand il était biennale et quand il était assez déjà. Il y a très longtemps. Bon, moi, je fais la jonction historique au sens où j'ai fait ma thèse à partir des archives qui sont aujourd'hui les archives de l'AFCA et qui étaient à l'époque les archives personnelles dans le domicile de Raymond Maillet. Donc, pas des archives intéressantes pour l'historien, comme tu viens de le dire, je suis tout à fait d'accord. Elles ont été très importantes pour moi parce qu'elles témoignaient de beaucoup de réflexions très originaires. Et le bémol, disons, que je m'inscris pas totalement en faux à tout ce que tu dis, mais le bémol que je mettrais, c'est que il y a 30 ans, Roger Montmaillet avait cette fibre historienne et il était directeur du Festival d'Annecy. Ce qui s'est passé après, c'est quand même 30 ans de vide sidéral de la pensée, de la théorie et de l'histoire. Aucun historien, aucun théoricien n'a plus jamais mis les pieds au Festival d'Annecy. Donc, on peut supposer qu'aujourd'hui, Marcel Jean, qui a été nommé directeur culturel du festival, c'est un très bon signe, c'est un signe totalement nouveau. Donc, si on veut rester dans la pensée, dans la science, dans l'université et dans l'histoire, il est clair que là, chose à dire, et je suis aussi très heureux d'entendre qu'aujourd'hui, des gens parlent d'archives à Annecy, que demain, Dominique Puteaux, le directeur du festival, bon, il sera là, c'est très bien, c'est formidable. Mais on a quand même 30 ans sans que rien. Alors, il ne s'agissait pas d'écriture d'histoire universitaire, mais il s'agissait quand même d'une capacité à garder des traces et à réfléchir à ces traces. Voilà. Bon, je peux dire aussi qu'il y a une nouveauté en ce moment. Il y a une chose très importante, c'est qu'il y a des thèses totalement exceptionnelles. Et, alors ça fait partie justement des nouveautés. Il y a plus de gens qui enseignent le cinéma d'animation, y compris en France, à l'université. Il y en a évidemment beaucoup aux États-Unis depuis longtemps, mais qui sont un peu limités souvent sur leur propre production classique de cartoon, en très très très très grande partie écrasante. Donc la particularité européenne, c'est d'avoir, comme je dirais de façon très simple, c'est d'avoir inventé le cinéma d'animation, c'est-à-dire inventer le cinéma d'animation en tant que moderne, en tant qu'il n'est pas seulement du dessin animé, mais qu'il est aussi et beaucoup du dessin animé. Je parlais d'André Martin, je vous rappelle que c'est aussi celui qui a fabriqué cette immense affiche, qui est plus qu'une affiche, qui était une recherche pré-universitaire sur le cartoon, et qui est la première en date, le fameux âge d'or du dessin animé, dans une affiche géante à Montréal en 1967. Donc, la question n'est pas de séparer les choses. Bon, je dirais que, et puis je vais arriver à la présentation de Jean-Baptiste par la même occasion, je dirais que personnellement j'ai assisté et j'ai vu, je suis en train de voir, trois thèses totalement exceptionnelles dans le champ de la recherche française. C'est aussi pour ça qu'on est là, je pense, parce que Sébastien Ropat a réellement fini sa thèse qu'il a fait pendant des années, et qui est une thèse qui, tout simplement, on peut le dire, bouleverse complètement la connaissance de l'histoire du cinéma d'animation français. C'est très clair. Ça la bouleverse complètement. On pourrait dire qu'il n'y a personne avant lui qui a fait le travail. Donc, ce serait méchant pour ceux qui ont travaillé. Donc je ne dirais pas ça, je ne suis pas historien de profession, je ne peux pas l'affirmer à ce point-là. Mais enfin, c'est extrêmement important. Donc les quatre, je viens de préfacer le premier volume, et les quatre volumes, quatre, c'est ça. Les quatre volumes qui seront publiés de sa thèse, vous pouvez en être sûr, changeront vraiment le discours sur le cinéma d'animation français, voire au-delà. Cécile Noesser, qui a travaillé à l'AFCA pendant quelques années, a aussi fait une thèse de sociologie d'un niveau tout à fait exceptionnel qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Donc, pour ce que je disais tout à l'heure sur les changements institutionnels en France, ce qui s'est passé dans les années 50, puis au milieu des années 50, puis au début des années 80, puis jusqu'ici, puis le fait que brusquement le cinéma d'animation est devenu la troisième production du monde alors qu'il avait été en pleine crise depuis ses débuts, c'est quand même une histoire totalement extraordinaire qu'on est en train de vivre. Donc je ne crois pas non plus que ce soit un hasard, je pense que la recherche va toujours avec la production, et donc si nous sommes le troisième producteur d'animation du monde, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui on peut parler. Enfin, la parole s'ouvre un peu. Ce n'est pas seulement lié à l'argent, parce que ce n'est pas aussi direct que ça, mais tout de même, il est évident qu'il y a un mouvement historique. Par ailleurs, il y a un mouvement historique de modification des images qui fait que l'animation est passée d'un moment totalement marginal. J'ai connu le ghetto, si vous voulez, et tout le monde qui a mon âge ou un peu plus a connu le ghetto du cinéma d'animation, au sens où c'était vraiment la marge du cinéma. Et aujourd'hui, on est dans l'hégémonie. On peut dire que ce qu'on appelle cinéma numérique, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, les mots sont encore pas très clairs, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le mouvement des images, qu'on appellerait autrefois, enfin, aujourd'hui, ce qui domine le cinéma international à 95% est numérisé, et ce qui est numérisé était aujourd'hui appelé animation. Donc on pourrait presque dire que la distinction animation prise de vue directe a explosé ou est en train d'exploser. Jean-Baptiste Massuet, qui est à ma gauche et qui va parler le premier, c'est là, je pense, la troisième, mais je n'ai pas le droit de le dire. Parce que je viens juste, non pas de faire une préface, mais de rédiger son pré-rapport de thèse. On n'a pas le droit de dire à l'avance ce qui se passe, mais essayez de deviner ce que je veux dire. Voilà. Il a fait une thèse qui sera très bientôt soutenue, le mois prochain, à l'université de Rennes, à mon excellente ancienne université de Rennes 2, enfin de Rennes, je ne sais plus comment elle s'appelle aujourd'hui. C'était Haute-Bretagne, maintenant elle est devenue européenne. Enfin, c'est une montée en puissance extraordinaire. Jean-Baptiste Massuet, donc, est doctorant, enfin encore pour peu de temps. Il est aussi attaché d'enseignement et de recherche à Rennes 2. Et il ne prépare plus, il vient de finir d'écrire une thèse sur les hybridations entre dessin animé et cinéma de prise de vue réelle. Voilà, il est extrêmement actif pour un doctorant, il est parmi les doctorants les plus actifs que je connaisse. Il dirige des livres, il travaille dans des revues, enfin il produit des articles dans des revues et des livres. Et donc je lui laisse la parole maintenant. Sur le sujet, il va nous dire lui-même, c'est mieux encore. Merci Hervé. Merci également aux organisateurs de ce colloque. Bon, je trouve le programme particulièrement exceptionnel, je le dis un petit peu en ouverture aussi. Je trouve que c'est effectivement extrêmement rare d'avoir un colloque de ce type en France. Et là, le programme est tellement beau, je trouve dans l'ensemble tellement cohérent, je ne peux qu'applaudir vraiment l'organisation et le choix des différentes interventions qui sont vraiment trop. Ça annonce absolument passionnante. Donc effectivement, il me revient un petit peu l'honneur, même si j'arrive en troisième du coup, voire en quatrième, d'ouvrir un petit peu la réflexion, ce qui est logique au vu finalement du sujet hein, de mon intervention, puisque je vais parler de la personne que je considère comme l'inventeur du dessin animé, qui est Emile Cole, d'où hein, le titre de mon intervention, l'invention française du dessin animé. Réflexion historiographique autour de la figure d'Émile Cole. Alors en effet, Émile Cole l'a lui-même affirmé en 1908 avec Fantasmagorie, Le cauchemar du fantoche et Un drame chez les fantoches, le genre des dessins animés était lancé. Ce constat a été écrit à l'occasion d'une définition parue dans le Larousse mensuel d'août 1925 sous le pseudonyme J.B. de Trompierre et accrédite avec force ce que Cole mettait déjà en évidence 5 ans plus tôt lorsqu'il expliquait au sein d'une conférence donnée au Ciné-Club de Pépinière Cinéma, comment étaient nées à Paris, en France, les bandes modernes des dessins animés, ceci pour répondre à certains qui ont voulu les faire naître au-delà des mers. Le metteur en scène précisait alors, la chose n'a pas grande importance, évidemment, mais il ne faut cependant pas se laisser dépouiller, même d'une bêtise, sans crier. Il est noté que cette revendication de la paternité du dessin animé se retrouve dans la quasi-totalité des discours de Cole des années 20 aux années 30, l'amenant encore à affirmer, par exemple en 1936, « J'ai vécu, je vis encore, mais je proteste de toutes mes forces contre ceux qui n'ont pas souci de vérité, j'ai été le premier, c'est net. » Il n'est guère étonnant de constater que cette revendication se trouve perpétuée par tout un pan de la presse nationale de l'époque, les années 30 apparaissant comme une véritable décennie de réévaluation de redécouverte de l'œuvre de Cole, sans doute en partie motivée par le considérable succès outre-Atlantique de Walt Disney et la volonté de faire valoir les droits d'un inventeur français oublié, volonté éminemment nationaliste s'il en est. On sait dorénavant que les origines du dessin animé sont plus complexes, en particulier lorsqu'on décide de prendre en compte la figure d'Émile Reynaud, sans compter les quelques expériences de James Stuart Blackton précédant celle de Cole, mais il faut pourtant constater que cela ne suffit pas totalement à destituer le metteur en scène français de son aura d'inventeur. De Marie-Thérèse Poncet, estimant en 1952 dans sa thèse sur l'esthétique du dessin animé qu'il y aurait en fait deux inventions du dessin animé, avant et après le cinématographe Lumière, habile manière de faire conserver à Cole son titre d'inventeur, jusqu'aux exégètes plus contemporains, il semble que la volonté soit toujours la même, essayer de comprendre pour quelles raisons Cole a pu être considéré si longtemps comme le père du dessin animé. Ces diverses recherches se caractérisent d'ailleurs par une pluralité des approches, ce dont témoignent les quelques ouvrages consacrés au metteur en scène, au lot desquels le formidable numéro de 1895 dirigé par Valérie Guillot est ici présente, qui propose des entrées aussi techniques qu'économiques, esthétiques, sociologiques, voire politiques ou idéologiques. L'œuvre de Cole est ceci de passionnant, qu'elle motive toujours autant la recherche par sa position clé dans l'histoire du cinéma et l'ambiguïté des discours d'époque qui l'entourent, auxquels les fonds d'archives permettent d'avoir accès. Remarquons pourtant quelque chose d'étonnant. En dépit de l'approche plurielle entourant le metteur en scène, force est de constater que presque aucun chercheur, à quelques exceptions près évidemment, dont par exemple Joubert Laurentin ici présent, ne tend à remettre en question ce statut d'inventeur et ne cherche à déterminer non plus ce qui pourrait le confirmer ou l'expliquer, mais plutôt ce qui pourrait l'infirmer ou tout du moins mettre en cause ses présupposés discursifs. C'est là que réside notre objectif, par ailleurs explicité sous un autre angle dans la fameuse thèse de doctorat dont la soutenance est prévue pour le 28 novembre. Non pas prétendre qu'Émile Cole n'a pas inventé le dessin animé, preuve à l'appui, mais plutôt mettre en évidence que l'idée selon laquelle Cole aurait inventé le dessin animé repose sur une appréhension particulière de l'objet dessin animé, anachronique selon nous lorsqu'on la confronte au premier film du metteur en scène. Ce que l'attribution de l'invention du dessin animé à Émile Cole soulève selon nous, c'est la complexité de la notion de dessin animé qu'il convient de recontextualiser pour en mettre à jour la singularité historique, tout autant que l'ambivalence terminologique. C'est ce qui nous amène à nous demander en quoi l'invention du dessin animé, du fait de son attribution à Émile Cole, soulève paradoxalement le fait que le dessin animé n'a en réalité jamais été inventé, s'agissant d'une notion qui s'est progressivement instituée, en particulier aux États-Unis, et que la langue française a permis de réinventer par le biais d'un syntagme ambigu, polysémique, faisant tout l'objet de la réinvention, plus discursive que véritablement technique, inaugurée par Cole et ses commentateurs à partir des années 20. Alors, dans un premier temps, il va s'agir de mettre la notion de dessin animé à l'épreuve des premiers films de Cole, en comparant les discours entourant l'œuvre de ce dernier dans les années 30 et la manière dont ces films ont pu être perçus et décrits à la fin des années 1900. Nous constaterons qu'il n'est jamais question à l'époque de dessin animé, ce qui nous incitera à chercher les modalités d'apparition de ce syntagme. Nous quitterons ainsi le territoire français pour nous apercevoir que ce syntagme, l'origine de ce syntagme, pourrait être retrouvée outre-Atlantique dans le cadre de l'industrialisation de ce qui prend alors le nom d'animated cartoon, une forme institutionnelle à part entière, au sein de laquelle Cole a d'ailleurs eu un rôle à jouer. C'est ce qui nous amènera à comprendre en quoi le syntagme dessin animé paraît tout à la fois constituer une traduction littérale de l'intitulé de cette catégorie cinématographique qui s'institue aux États-Unis, et dans un même mouvement, conduire à l'élargissement de cette notion, source de la réinvention discursive de Cole, de l'œuvre de Cole pardon, dans les années 20 et 30. Premier temps donc de la réflexion, l'invention avant l'invention. Vous allez voir que je vais reprendre un petit peu d'ailleurs la construction de l'ouvrage de Valérie Vigneault hein, sur la table des matières. Alors, il est frappant de constater dans la majorité des coupures de presse des années 1930, conservées dans plusieurs fonds d'archives, les fonds Georges Sadoul et Louis Gaumont à la Cinémathèque française, ou le fonds René Jeanne à la BNF par exemple, la récurrence de l'idée selon laquelle Émile Cole serait l'inventeur du dessin animé. Plusieurs occurrences peuvent témoigner de cet état de fait. Un critique du magazine Pour vous écrit ainsi en 1936 que lorsqu'en 1906, le français Émile Cole eut le premier l'idée de remplacer les acteurs vivants du cinéma encore naissant par des personnages dessinés et animés, il obtint d'emblée un succès considérable. Jean Vigneault écrit pour sa part 2 ans plus tard que l'inventeur des dessins animés est un français. Le piquant de l'affaire, c'est que Walt Disney a reconnu qu'il avait eu un précurseur en la personne d'Émile Cole, c'est de lui qu'il s'agit. Nous pourrions également citer la revue Vie au foyer, dont un des rédacteurs affirme 1 an plus tard que nul ne songe plus à contester au français Émile Cole l'invention du dessin animé. Citons encore, à titre plus systématique, le militantisme de l'historien et scénariste René Jeanne, qui a cherché à plusieurs reprises à réhabiliter un Émile Cole oublié dans les années 30, en le présentant à chaque fois comme l'inventeur du dessin animé. Comme il l'écrit dans une lettre adressée à Jean-Pierre Bezu, l'État ignore que l'inventeur des dessins animés est français. S'il ne l'ignorait pas, il aurait décoré Émile Cole au plus tard en même temps que Walt Disney. Et 2 ans plus tard, Jeanne écrit encore dans le Petit Journal que le dessin animé est né en France. Les exemples, on le voit, et j'en cite qu'une partie de ce que j'ai trouvé, hein, les exemples ne manquent pas et pourraient être multipliés à l'envi. Les archives permettent ici clairement de mettre en évidence la perception de Cole véhiculée par la presse française de l'époque, perpétuant le discours de Cole lui-même. Néanmoins, ces archives ne sauraient se suffire à elles-mêmes. Mettant en effet en évidence le fait que le dessin animé serait né le 17 août 1908 avec la projection de Fantasmagorie au Théâtre du Gymnase à Paris, elle repose sur un présupposé qui, selon nous, ne peut en aucun cas être tenu, à savoir l'idée selon laquelle, avec Fantasmagorie, serait apparu le syntagme censé le qualifier. Les premiers films de Cole n'ont dans les faits jamais été qualifiés à l'époque de dessin animé. La preuve flagrante de ce constat nous a été apportée par la comparaison entre une source secondaire, qui par sa réputation avait pourtant valeur de document de conservation, et les sources premières auxquelles ce document se réfère. Je parle ici du catalogue des films français de fiction de 1908 à 1918 de Raymond Chira. Et dans ce catalogue, donc, Raymond Chira affirme en effet que Fantasmagorie aurait été qualifié à l'époque de dessin animé. Il le met dans les genres de l'époque. Dessin animé, donc, information supposément tirée du Phono Ciné Gazette du 1er septembre 1908. Or, après vérification au sein du numéro lui-même, consultable à la Cinémathèque française, nous nous sommes aperçus que cette dénomination est en fait de l'ordre de l'interprétation, l'évocation de Fantasmagorie se faisant en réalité en ces termes précis, scène tirée de dessins humoristiques et du plus drôle effet, pas du tout dessin animé. Alors que Chira affirme que les classifications... Alors que Chira affirme que la classification des films dans le catalogue appartient aux termes d'époque, il s'avère que l'expression dessin animé n'a en fait jamais été employée pour désigner les films de Gaulle, le plus souvent apparentés à des films à trucs ou encore à des féeries, genre encore en vogue à la moitié des années 1900, se raréfiant pourtant à partir de 1908. La notion de dessin animé n'avait tout simplement pas vu le jour, et ce n'est que rétroactivement qu'elle a pu être accolée à ses premières expériences par l'intermédiaire des discours faisant de Gaulle l'inventeur de la catégorie en question. Conséquemment, il est légitime de s'interroger comment un metteur en scène peut-il se voir octroyer le crédit d'une invention, alors même que cette dernière repose sur un syntagme qui n'a pas encore fait son apparition à l'époque. De fait, selon nous, le dessin animé ne peut pas être assimilé à une invention. Cole lui-même évoque bien en 1925 le genre des dessins animés. Le dessin animé désigne ainsi clairement une catégorie cinématographique à part entière, différente à nos yeux de ce que nous pourrions nommer l'animation du dessin, c'est-à-dire le processus technique donnant naissance aux bandes de dessin animé. On devine d'ailleurs le piège qui consisterait à assimiler le dessin animé au principe technique qui le conditionne, puisque si on va dans ce sens, Émile Reynaud pourrait ainsi être à son tour perçu comme l'inventeur du dessin animé. On témoigne d'ailleurs un extrait d'un article écrit par son fils Paul Reynaud, selon lequel les 500 000 spectateurs du théâtre optique de Reynaud auraient tous pu, je cite, affirmer qu'Émile Reynaud a, le premier, créé un spectacle d'une certaine étendue formé de dessins successifs, produisant une illusion du mouvement et visible par projection par toute une salle. Et si la langue française n'a pas changé depuis, ceux-là ne peuvent pas ne pas reconnaître qu'ils ont vu des dessins animés. Fin de citation. On le voit, en jouant sur les mots, la notion de dessin animé perd évidemment le sens culturel que la langue française lui a attribué, celui d'une catégorie proprement cinématographique, répondant à ses propres codes constitutionnels. Un mot, ou plutôt ici un syntagme, ne peut se voir destitué de son héritage ou de son poids culturel et sociologique, sous peine de perdre le sens qui a pu progressivement se cristalliser au cours de son histoire. Loduca le remarquait peut-être inconsciemment, par ailleurs, lorsqu'il écrivait en 1948 dans son ouvrage Le dessin animé, qu'avec la substitution de la photographie au dessin, le dessin animé courut le risque de disparaître avant d'être né. L'animation de dessin diverge donc bien, on le voit, du dessin animé en tant que tel. Les deux se doivent bel et bien d'être perçus différemment, preuve du sens singulier conféré au syntagme dessin animé. Il convient en l'occurrence à présent de s'interroger sur les conditions d'émergence de ce syntagme, du syntagme en question et sur son sens profond. C'est ce qui m'amène à mon deuxième temps, une invention non inventée. L'idée que nous posons ici comme une hypothèse de travail est la suivante. Le syntagme de dessin animé serait, pour le dire rapidement, une traduction presque littérale du syntagme anglophone « animated cartoon ». Le syntagme de dessin animé ne serait pas né ex nihilo en France, mais serait en quelque sorte la réinvention terminologique, une expression qui ne désigne plus aux États-Unis de simples expériences d'animation de dessin, comme cela par exemple peut être le cas avec les films de James Stewart Blackton, mais bel et bien une forme institutionnelle en voie d'émergence et d'industrialisation. Évidemment, le transfert d'une langue à une autre a pour conséquence la perte d'une partie de sa singularité culturelle, de l'objet, puisque on peut demander comment traduire le mot cartoon autrement que par dessin. Ou plus précisément, on s'aperçoit qu'il y a le besoin d'une adaptation de l'objet à son nouveau lieu de désignation. D'ores et déjà, le syntagme animated cartoon s'avère être un dérivé de la langue anglaise réinventée aux États-Unis. Le terme de cartoon est d'abord lié à la presse illustrée anglaise, l'une des premières occurrences connues de l'expression se trouvant au sein du magazine Punch, fondé en 1842. Selon Denise Gifford, en effet, L'une des principales contributions à la terminologie apparaît le 1er juillet 1843. Punch a la bonté d'annoncer que, dans l'un des premiers numéros du présent tome, il étonnera la commission parlementaire par la publication de plusieurs dessins subtils, dénommés « cartoons de Punch ». Deux semaines plus tard, le 15 juillet, le croquis satirique de John Leech, « Substance and Shadow », s'accompagne de la légende « cartoon numéro 1 ». Pendant 500 ans, le mot « cartoon », c'est encore de Nicky Ford, pendant 500 ans, le mot « cartoon » n'avait eu que le sens de projet d'une œuvre d'art. À partir du 15 juillet 1843, il prend donc une signification légèrement différente. Le Ducas va d'ailleurs dans le même sens lorsqu'il explique que le « cartoon », du français « carton », venu de l'italien « cartonné », augmentatif de « carta », papier, désigne l'esquisse exécutée par l'artiste en vue de l'exécution définitive de l'œuvre. Par extension, ce mot désigne aussi en anglais le dessin original exécuté par un caricaturiste sur papier fort, et cette caricature elle-même une fois reproduite. C'est la citation de l'auteur. Le cartoon désigne alors un dessin à valeur humoristique ou caricaturale avant d'être sérialisé dans le cadre de petites histoires en plusieurs cases, nommées cartoon strip en Angleterre ou plus tard bande dessinée en France. L'héritage de cette forme aux États-Unis n'est pourtant pas évident à relever au premier abord, le terme n'étant pas utilisé de l'autre côté de l'Atlantique, remplacé par les appellations comic strip ou funnies. Seule la désignation des créateurs de ce dernier, les cartoonistes, constitue la preuve de l'héritage terminologique anglais. C'est donc bien en se fondant sur cette terminologie anglaise que l'expression « animated cartoon » voit le jour pour désigner les versions animées des comic strips. En conséquence, on le voit, la terminologie nouvelle attribuée aux films animant des dessins provient de la presse. Ce sont en effet bien des « cartoons », au sens journalistique du terme, plus que précisément des dessins, qu'animent ces bandes cinématographiques. Ce constat doit être pris en considération en ce qu'il témoigne d'un massif mouvement d'adaptation des héros du quotidien illustré à un autre mode de diffusion, celui des salles de cinéma. Or, il convient de le soulever ici, Emile Cole a justement été l'un des pionniers de cette vague d'adaptation animée, orchestrant entre 1912 et 1913 le passage à l'écran de la série The Newlyweds de George McManus, créée en 1904. Produisant les épisodes à la chaîne pour la firme française Éclair, dans sa branche américaine située à Fort Lee, Cole participe ainsi au fort mouvement d'industrialisation de l'animated cartoon. De fait, l'expression est bel et bien utilisée dans les journaux de l'époque pour désigner ces films. Je peux même citer ici un numéro du Moving Picture World de 1913, dans lequel on annonce la série de McManus, il annonce le terme, ils annoncent des animated cartoons, une série d'animated cartoons. Il est constitué de dessins qui bougent. Donc dans le texte, je le traduis directement en anglais, une série d'animated cartoons fabriquée à partir de dessins qui bougent. On voit bien la distinction entre les deux. C'est donc bien l'industrialisation, la production à la chaîne de ces cartoons animés qui dessine progressivement les contours de l'institutionnalisation d'une catégorie cinématographique à part entière, éloignée des films à trucs, dotée de sa propre stabilité, de sa propre spécificité et de sa propre légitimité liée à l'institution de la presse illustrée. Peut-être n'est-ce alors pas un hasard si l'une des premières apparitions françaises du syntagme de dessin animé se trouve liée à la diffusion française du film Little Nemo de Winsor McCay en 1911, présenté sous le titre énigmatique « Le dernier cri des dessins animés ». Le fait que le syntagme soit ainsi attaché au premier film véritablement issu d'un comic strip américain serait sans doute à prendre en considération dans notre réflexion. Mais il est surtout intéressant de remarquer le fait que Cole n'entame le processus de réinvention discursive de la catégorie dont il estime avoir été l'inventeur qu'à la fin des années 1910, c'est-à-dire après son aventure américaine. Faut-il y voir le signe d'une prise en compte de l'industrie nouvelle de l'animated cartoon dans le cadre de la construction culturelle française du syntagme des dessins animés? C'est une question que je pose donc dans ma troisième partie, l'invention après l'invention. Le fait de se concentrer non plus seulement sur le contenu des coupures de presse ou des textes de Cole, mais spécifiquement sur les occurrences du syntagme dessin animé dans les archives françaises des années 1920-1930, révèle un détail qui n'est pas dénué d'importance. Le syntagme s'y rencontre en effet sous deux formes, au pluriel et au singulier. Là où Cole intitule sa conférence de 1920 « Les dessins animés et à trucs » et se voit qualifié par René Jeanne d'inventeur des dessins animés dans sa lettre à Jean-Pierre Blesu, il se trouve également évoqué par le même commentateur sous le titre d'inventeur du dessin animé, dans une coupure de presse dont l'origine n'a pas été spécifiée, et dans le fond René Jeanne, puis par d'autres historiens tels Le Ducas, affirmant que sa célébrité est surtout liée à sa création du dessin animé, ou encore Georges Sadoul, voyant en Cole le créateur du dessin animé moderne. Peut-être la précision de Sadoul nous éclaire-t-elle d'ailleurs en un sens sur cette distinction grammaticale. Le sous-entendu de l'historien pourrait paraître téléologique de prime abord, puisque si dessin animé moderne il y aurait potentiellement un dessin animé primitif ou du moins archaïque. Mais surtout, l'adjectif moderne pourrait également nous éclairer sur la différence entre deux appréhensions du syntagme dessin animé. Au singulier, ce dernier renverrait à une catégorie cinématographique culturellement instituée, tandis qu'au pluriel, il renverrait au simple fait qu'en vue de la réalisation du métrage, des dessins aient effectivement été animés. En ce sens, le même syntagme, au singulier et au pluriel, ne renverrait absolument pas au même objet. Dans un cas, nous pouvons y percevoir une catégorie cinématographique à part entière. Dans l'autre, il s'agit avant toute chose d'une technique, à l'origine de certains films à trucs, tels ceux de Gaulle. Les dessins animés, ce seraient ainsi les différentes phases qui, enregistrées les unes à la suite des autres, produisent l'illusion du mouvement. Le dessin animé, pour sa part, serait une institution culturelle adaptée, selon nous, de l'industrialisation des animated cartoons aux États-Unis, reposant sur un certain type de création dessinée, c'est-à-dire déjà apparenté outre-Atlantique à un genre de dessin spécifique. Le fait de sans cesse comparer Cole dans les années 30 à Walt Disney en est à nos yeux l'illustration concrète. À l'évidence, la traduction française perd quelque chose de l'héritage culturel du terme anglophone, ce qui se manifeste selon nous par ce brouillage sémantique du syntagme français. Le terme « cartoon » est très spécifique. Même au pluriel, il ne renvoie pas tant à un processus technique qu'à une forme animée particulière liée à la presse illustrée, qui détermine par la suite tout un pan de la production animée des années 10 aux années 30, tandis que la dimension générique du terme « dessin » rend confuse la différenciation entre technique et catégorie cinématographique. À ce titre, l'attribution de l'invention du dessin animé à Émile Cole paraît entre autres reposer sur cette ambivalence terminologique. Si le dessin animé est certes apparenté à une catégorie cinématographique, les discours de l'époque l'apparentent dans un même mouvement à une invention technique dont Cole est essentiellement présenté comme le dépositaire. D'où le fait que René Jeanne milite à cette époque pour redistribuer à Cole un pourcentage des recettes réalisées par les salles de cinéma diffusant des dessins animés américains, ces derniers n'étant autres selon lui que des contrefaçons indiscutables, plagiées sur un inventeur oublié qu'il s'agit de remettre sur le devant de la scène. Cole était en effet selon lui sans défense, n'ayant jamais pensé à prendre le moindre brevet. Mais on voit dans quelle mesure une telle revendication ne repose que sur le double sens que l'on peut conférer au syntagme des dessins animés. L'argument juridique, en l'occurrence, ne se tient que dans une perspective technique, là où le dessin animé en tant que catégorie n'est qu'une forme institutionnelle possible parmi d'autres. Elle repose certes sur la technique dont Cole est supposément l'inventeur, mais elle diffère par exemple des films à trucs, qui ont eux aussi parfois pu être conçus à partir de l'animation du dessin. Les films à trucs et les dessins animés ne renvoient pas exactement la même chose. Ainsi, là où l'animated cartoon apparaît uniquement comme une forme héritée de l'espace institutionnel de la presse illustrée, le dessin animé apparaît pour sa part comme une forme institutionnelle masquée sous les origos d'un procédé technique. Avancer que Cole est l'inventeur du dessin animé, c'est donc quelque part nécessairement jouer sur la double acception du terme du syntagme français, sur son ambivalence sémantique. Mais cela revient également à perdre de vue l'une de ses origines culturelles, essentielle ce nous semble si l'on choisit d'appréhender l'objet dessin animé dans toute sa singularité historique. Concrètement, la stabilité, la spécificité et la légitimité de l'objet désigné par ce syntagme ne se fondent pas tant sur des considérations techniques que sur des modes de socialisation des images. En ce sens, Cole n'a nullement pu inventer le dessin animé, entendu que pour pasticher l'expression d'André Gaudreau et Philippe Marion, le dessin animé, ça ne s'invente tout simplement pas, ça se constitue, ça s'institue et éventuellement ça s'institutionnalise. À titre conclusif, on le comprend, si le dessin animé en tant que catégorie institutionnalisée ne peut avoir été concrètement inventé, comment breveter une invention culturelle, une institution culturelle, économique et sociale, c'est indéniablement le syntagme français lui-même qui constitue la véritable invention de Cole et de ses commentateurs. En réinventant terminologiquement la forme de ce développement aux États-Unis, les uns comme les autres ont du même coup contribué à inventer rétroactivement la catégorie technique dans laquelle les premières œuvres de Cole paraissent s'inscrire. On comprend en ce sens que la question « qui a inventé le dessin animé » n'appelle pas vraiment de réponse, étant en fait formale posée. Sa formulation présuppose en effet une approche historiquement interprétative liée à la manière dont on choisit de percevoir le dessin animé, ou encore dont on choisit de le définir. Or, comme pour le cinéma, il conviendrait sans doute de différencier l'invention technique de l'institution culturelle, entreprise historiographique qui mériterait évidemment d'être étendue à d'autres fonds d'archives, mais que cette communication tenait pour objectif modeste de simplement esquisser. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On commence très fort parce qu'on commence par quelque chose de très clair sur quels mots avons-nous besoin et que veulent dire ces mots quand on parle. Le principe de la journée, c'est que chacun parle à peu près exactement 25 minutes et on garde 5 minutes de discussion immédiate. Je pense que c'est mieux. J'ai toujours préféré une discussion immédiate parce qu'on a en mémoire ce qui vient de se dire, mais alors ça va aller un petit peu vite. Parce que sinon, on peut garder plus de temps, mais on parle de tout le monde et c'est assez frustrant. Donc ce serait, je pense que ce système est bon. Alors allons-y, nous avons 5 minutes qui nous permettent de discuter directement de ce qu'on vient d'entendre et de poser des questions à Jean-Baptiste Massuet. Voilà. Moi, je peux commencer. Vas-y, Valérie. Alors, j'ai effectivement écouté la préparation impressionnante, vous verrez Donc je répète. Donc effectivement, il y a dans votre communication un certain nombre d'éléments qui vont croiser la mienne. J'ai également réfléchi à ce que Cole entendait dans cette idée, en cette réclamation qui opère j'ai inventé le cinéma d'animation, le dessin animé. Et il m'a semblé que ce qu'il entendait avec l'idée de déposer le brevet, c'était qu'il avait inventé le grand titre. J'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que quand il raconte aux États-Unis, les Américains sont venus visiter son studio et qu'après, effectivement, ils ont changé leur mode de fabrication. Il aurait inventé plutôt un geste, c'est-à-dire le geste de déplacer la caméra et la mettre au-dessus, ce qui lui permettait de passer au papier découpé à l'animation d'objets. Et là, il faudrait vérifier avec les animateurs américains si, avant justement cette date, est-ce qu'il y a du papier découpé, de l'animation d'objets, de l'animation d'animation des curés. Pourquoi le grand titre, l'animation d'objets ? Parce que ça lui permet d'être à plat, et donc à ce moment-là, il peut bouger des choses à plat. Objet. À plat, oui. Pas l'animation d'objet, au sens. En trois dimensions, oui. Donc c'est juste une hypothèse que j'ai. Parce que je vais effectivement me demander pourquoi est-ce qu'il revenait toujours sur cette idée, j'ai inventé le cinéma d'animation. Et j'ai l'impression que ce qu'il veut dire, c'est qu'il a inventé le grand titre. Moi, je pensais à autre chose. Je pensais à cette syntagme qui traîne et qu'il faudrait analyser en plus, qui s'appelle le mouvement américain. Le problème, c'est qu'on trouve dans les textes quelque chose qui a à voir avec Cole et dans la défense de Cole, et c'est ce qu'on appelle le mouvement américain. Et le mouvement américain, c'est une histoire chauviniste française qui dit que Cole a inventé le mouvement américain. Et le mouvement américain, bon, c'est le mystère de l'image par l'image, je crois. C'est le correspond à l'hôtel hanté, en fait, de James Blackton, qui était sorti en 1907, et que Cole avait justement étudié avec Étienne Arnaud, et ils avaient découvert le système qui était à la base du mouvement. D'où le fait que même dès 1912, la première occurrence que j'ai eue du centaine du mouvement américain, c'est en 1912, un texte de E, le prénom n'est pas donné, E. Cress, sur les techniques cinématographiques, et il parlait du mouvement américain à ce moment-là. Et c'est assez intéressant justement de voir. Il n'y a pas une revendication, une contre-revendication en quelque sorte, de la réinvention du mouvement américain. Ouais. Alors, on ne le met plus en avant parce qu'on peut défendre juridiquement Cole à ce moment-là. D'autant plus que ça double justement dans la question que je citais tout à l'heure, c'était le cinéma, son art, sa technique, son économie, qui est paru en 1948 et il part du mouvement américain aussi, alors qu'il est en train de défendre l'idée que Cole a inventé des cinémas modernes. Chez Sadoul, il veut dire autre chose. Oui, sans doute qu'il y a aussi un. Quand il y a le mot américain chez Sadoul, il veut toujours dire plus. En 1948. Est-ce que dans la salle, quelqu'un. Est-ce qu'on ne peut pas monopoliser la parole? Si quelqu'un veut poser une question, il n'y a aucun problème. Ou ajouter quelque chose ? Non, je voulais dire, j'ai beaucoup aussi travaillé sur Cole, puisqu'il a été instrumentalisé de son occupation. Et puis avant, puisque effectivement, en 1936, Lau Ducas veut fêter les 30 ans en pensant que ça date de 1906. Et déjà à l'époque, il est l'objet d'instrumentalisation. Et puis son occupation, c'est encore pire, effectivement. Comme il n'y a plus de dessin animé américain, il faut se rabattre sur les dessins animés français. Donc on ressort Amy Cole, on ressort Amy Renault aussi, et on crée le prix Amy Cole, le prix Amy Renault. Et c'est vrai que c'est passionnant ce que vous avez dit sur cette communication. C'est vrai qu'il a vraiment fait l'objet de dire, finalement, c'est finalement assez servi de lui, sous les années 30, de sa mémoire et des méchants américains, peut-être plus. Qui aurait volé l'invention de Cole et qui serait ruiné comme Émile Renault. Enfin, c'est vrai que c'est les deux mêmes figures qui finissent ruinées. Mais Cole a été encore plus défendu que Reno, parce que Cole, c'était vraiment les Américains, alors que Reno, c'était plus entre les Frères Lumière, Maurice Leclerc, on parle beaucoup. Hein. Dans son livre, c'était plus compliqué, alors que là, finalement, le schéma est plus simple. Les méchants, c'est les Américains, et ils ont volé un option, ils l'ont ruiné. Effectivement, j'étais tombé dessus, hein, de verser une espèce de... on appelle ça... pour l'invention, un pourcentage sur le verser. Mais c'est vrai que finalement, ça ne s'appelle pas, parce que... Mais à cette même époque, la reconnaissance de Méliès est très fortement couplée à celle de Cole. Parfaitement, oui. Il y a toute une histoire croisée de la reconnaissance de Méliès. On commence à avoir du travail sur cette question. Ouais, j'ajouterais aussi, pour rassurer aussi l'auditoire, c'est que ce n'est pas seulement négatif, c'est-à-dire l'invention, les fabulations historiques ont du sens en histoire. C'est-à-dire qu'elles sont très intéressantes, elles fabriquent des communautés, elles fabriquent des choses. C'est-à-dire même quand la chose est considérée comme fausse avec une vue rétrospective d'un historien pour qui c'est plus facile ou qui a vérifié des années après, c'est une chose. Mais ce qui semble une tromperie ou une fable, ce que on a appelé une fallacie, hein, l'histoire, ça peut avoir une importance extrême. En l'occurrence, ça a beaucoup d'importance, parce que, voilà, et j'ajouterais qu'on a une histoire complètement différente avec l'expression, le syntagme, comme tu dis, un cinéma d'animation. Parce que là, il y a une invention, c'est étrange, quoi. Il ne peut pas y avoir d'invention, comme dit Gaudreau, de dessin animé, c'est sûr, mais avec cinéma d'animation, ce n'est pas la pratique qui commence, c'est la nomination. C'est vraiment étrange. Et ensuite, on a une pratique qui continue. Oui. Je crois que vos films d'animation ont moins inventé l'animation. C'est comme la littérature ou la poésie, les puissants chacals en poésie sont plus des techniciens et des créateurs. Alors je dis que Émile Reynaud, c'est un créateur, il a inventé, et Nicole aussi, aussi l'inventeur de Émile Reynaud. C'est évident qu'ils sont tous aidés, ils sont tous inventés. On n'arrête pas d'inventer, je crois. Vous avez raison, et à la fois leur technique et leur style, ça c'est évident. C'est évident pour Émile Reynaud. Donc quand on parle de premier but, par exemple, on est toujours, je vous donne un autre exemple, que les Jack Fletcher. Max Fletcher a inventé l'orthoscopie. Ben, c'est pas vrai. Mais il a fait un brevet de l'orthoscopie. Mais quand on voit Émile Reynaud, il n'a pas fait seulement les pantomimes lumineuses, je veux dire, qui étaient réellement des animés, bien entendu. C'était des années à la fin, mais quand les directeurs du musée Grévin lui ont demandé, lui en dit maintenant sur 1900, il y a eu les frères Lumière qui sont arrivés, maintenant maintenant c'est le cinématographe, le repère du cinématographe. Et qu'est-ce qu'il a fait Reynaud? Eh bien, il a filmé, un peu avec l'appareil de marais, des personnages réels, et il les a. Il les a changés, il les a coloriés et tout ça, parce qu'avant tout le monde, il y avait du ciment en couleur, même du cinéma sonore aussi. Mais avant les frères Fleischer, la rotoscopie, les gens savent, c'est plus ou moins des calcomanies, on filme des personnages réels, des acteurs, et ensuite on les redessine, on peut les interpréter. Il y a un excellent exemple de rotoscopie qui va bientôt sortir sur les écrans, peut-être pas, mais enfin c'est imminent. Il y a des courts-métrages des frères Fleischer, Coco le clown, par exemple, c'était une rotoscopie, il y a des chers, des frères, maintenant. Merci, cher. Merci, bonne. Mais bien avant, je veux dire, vous voyez, Émile Reynaud, incontestablement, avec ses photos scènes, c'était de la rotoscopie. C'était pas seulement de la décalcomanie, c'était une adéquation, comme les frères Fleischer, quand c'est bien fait, avec Coco le clown, etc. Merci pour votre témoignage, monsieur Vodevitch. Voilà. Alors, je voulais juste ajouter dans les années. C'est le syntagme, cette fois, de l'invention qui a toujours été dans son avis sur cette maturation. On a toujours parlé d'invention, quel que soit le lieu où le mot peut être utilisé. Et dans les années 40, on ne sait pas derrière les animaux, c'est toujours film de dessin animé. On n'emploie pas le terme juste seul de dessin animé. Ça a été rajouté, je pense, dans les années 40, aussi. Dans tous les dossiers, c'est un film de dessin animé. Jamais. Alors nous allons avancer parce que c'est ça. nécessaire d'avancer vu le nombre de participants. Valérie Mignot est maître de conférence, directrice de recherche à l'Université François Rabelais à Tours. Et c'est une historienne reconnue dans notre communauté qui publie souvent, qui a publié un numéro historiquement très important sur Émile Cole, comme on vient de le dire. Elle travaille à la fois sur le cinéma et l'écriture, sur le cinéma d'auteur, par exemple sur Jacques Becker. Elle travaille sur le cinéma de jeunesse. Et puis, elle a également, dans ce qui nous occupe, dirigé un numéro de 1895, la revue de l'Association française d'histoire en de recherche sur le cinéma, sur Marius Fogalo et Robert Lortac. Et enfin, elle travaille sur le cinéma social. Et je crois que son dernier travail, le travail sur lequel elle est en ce moment, concerne Georges Sadoul. Je laisse la parole. Merci. Alors, je tenais donc, tout d'abord à remercier Sébastien Roffin pour son invitation à participer à ce colloque. Mon intervention s'appuie sur les travaux réalisés pour la revue de l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, 1895, puisque j'ai eu l'opportunité de diriger deux ensembles consacrés aux pionniers français du cinéma d'animation, soit Émile Cole, Marius Fogalo et Robert Lortac. Ouvrage que j'ai réalisé en collaboration avec Pierre Courté, Marc Faye et Brigitte Delpech, leurs descendants, mais aussi grâce au soutien d'institutions de conservation ou de diffusion du patrimoine filmique, tels que Gaumont Pathé Archives, les Archives françaises du film, la Cinémathèque française et le Forum des images, qu'ils en soient tous sincèrement remerciés. Je n'ai pas souhaité, pour cette communication, entreprendre une analyse descriptive des archives étudiées ou du rôle joué par les archives dans mes propres recherches. J'ai préféré interroger ce que ces cinéastes nous révèlent dans l'histoire du cinéma d'animation des premiers temps, ou comment leurs films nous permettent d'interroger les catégories historiographiques communément employées. Les recherches consacrées à Émile Cole, Marius Fogalo et Robert Lortac ont permis de décrire ce qui constitue très certainement la première école, entendue ici au sens de génération, de cinéastes d'animation en France. L'analyse conjointe de leurs œuvres, associée en raison de parenté factuelle et esthétique, a aidé à dégager quelques-unes des spécificités du cinéma d'animation naissant au cours d'une période comprise entre 1908 et la fin des années 20, à l'aube du cinéma parlant. Période qui, comme pour le cinéma en prise de vue réelle, atteste d'une mutation entre des référents relevant des abstractions et une standardisation narrative des formes et des pratiques. Toutefois, le moment où s'opère ce changement et les paradigmes qui l'ont accompagné apparaissent dissemblables selon qu'on s'intéresse au cinéma en prise de vue réelle ou au cinéma d'animation. L'approche comparatiste, légitimée par les faits, puisque tous trois ont œuvré de concert, permet aussi de mieux comprendre la filmographie d'Émile Cole, dont une grande partie est aujourd'hui disparue. Le cinéaste déclarait avoir réalisé de 1908 à 1923 plus de 300 films, hors la centaine de titres aujourd'hui conservés, a majoritairement été produite par Gaumont et Pathé et conçue avant son départ pour les États-Unis en 1910 à Gachet. Disparition qui influe sur notre compréhension de l'œuvre, car nous sommes dans l'impossibilité d'en interroger les transformations dans la durée. Dès lors, la confrontation entre les filmographies et les parcours de ces trois animateurs apparaît comme un préalable méthodologique pertinent. On retrace ainsi la réalité temporelle de ce premier moment, qui, bien que fragmenté par la Première Guerre mondiale, s'étend sur une vingtaine d'années, de 1908 à la veille du parlant, et on peut de cette façon concevoir, dans son historicité, le contexte économique, idéologique, esthétique ou culturel dans lequel se déploie le cinéma d'animation récent. Émile Cole affirmait avoir inventé le dessin animé, donc effectivement, on part sur les mêmes bases, hein. Et ses contemporains ne le contredisaient pas. On sait aujourd'hui que l'invention procède d'une longue série d'expérimentations variées visant à mettre les images photographiques ou dessinées en mouvement. Cependant, la déclaration de Cole ne nous paraît pas illégitime, car en contribuant à la reconnaissance du procédé, il a permis son développement et a ainsi rendu possible son essor en France. Cole n'est peut-être pas l'inventeur du dessin animé, mais il est le premier cinéaste français de dessin, au sens où il concourt à son essor industriel en lui ouvrant les salles cinématographiques. Lorsqu'il réalise ses premiers films, Cole, qui a déjà une cinquantaine d'années, a précédemment appartenu à une bohème artistique connue sous le nom des Incohérents, exercé comme caricaturiste, illustrateur de presse ou d'albums pour enfants, mais aussi comme acteur ou photographe. collabore avec les principales sociétés d'alors, Romont, Pathé ou Éclair, à Paris, mais aussi à New York, de 1908 à la fin des années 20, expérimentant nombre de techniques, animation de dessin, mais aussi nouvelle de l'objet. Les séquences en dessin ou objets animés sont généralement intégrées à des scènes en prise de vue réelle, car il les rétribue en fonction du métrage produit. Et les séquences animées sont particulièrement longues et délicates à mettre en place, puisque réalisées image par image. Mixité des formes et des techniques, abandonnées par Marius Ogallo ou Robert Lortac, dont les films animent exclusivement des figurines dessinées, plus souvent réalisées en papier découpé. Marius Ogallo est, comme Émile Cole, un familier des cabarets de Montmartre, et leurs illustrations ont parfois paru dans les mêmes journaux et parfois sur la même page, dans la presse d'actualité, mais aussi dans des revues pour la jeunesse, comme le Petit Journal illustré par exemple. Ogallo réalisa une vingtaine de films en dessin au papier découpé, partagés entre sujets didactiques, de propagande féministe, et récits pour enfants, films qui ont majoritairement été distribués, voire commandités par Pathé, société pour laquelle Robert Lortac, le plus jeune des trois, réalisa lui aussi une vingtaine de sujets instructifs et récréatifs avant de créer son propre studio où il employa Cole et Ogallo. Lortac a fondé une entreprise afin de perdurer dans le métier car les bandes américaines, Netflix, Le Chat, ont littéralement submergé le marché français, donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce discours de légitimation du cinéma d'animation français, donc, puisqu'il n'y a plus de place sur les écrans. Donc, littéralement submerger le marché français en monopolisant les écrans. Spécialisé dorénavant dans le dessin animé utilitaire, il réalise durant deux années des actualités dessinées, donc 1900, il réalise ses actualités dessinées entre 1920 et 1922, donc pour le Gaumont Journal, avant de se consacrer au cinéma d'animation publicitaire, genre où son studio excelle jusqu'au début des années 30. Période où son activité est ralentie, car Robert Lortac paraît avoir perdu l'essentiel de ses débouchés, des affections probablement occasionnées ou accentuées par l'arrivée du cinéma parlant. Il se consacre alors à l'écriture de scénarios de bande dessinée, comme Bibi Fricotin, par exemple. Le cinéma d'animation, donc deuxième temps de exposé. Donc, les œuvres d'Émile Cole, Marius Ogallo ou Robert Lortac montrent que le cinéma d'animation naissant est le fait de dessinateurs qui exercent leur talent sans exclusive. Albums pour enfants, produits illustrés, mais aussi images à projeter, fixes ou animées. Ils ont par exemple tous trois publié dans la revue Après l'école, destinée aux instituteurs, des séries de vues pelliculaires, c'est-à-dire des images qui, parce qu'elles sont imprimées sur papier transparent, peuvent être découpés et insérés dans un passe-vue afin d'être projetés grâce à une lanterne. Enchevêtrement des usages des images, qu'elles soient imprimées ou projetées, et des médias, qui les amènent à décliner les mêmes illustrations d'un support à l'autre. Transposition et adaptation qui ne sont pas sans réflexion quant au mode de représentation ou de figuration. Ogallo, par exemple, lorsqu'il fait paraître dans la presse ou sur plaques de verre les mêmes scénettes comiques. Donc là, j'ai pris des exemples, je ne pouvais pas donc rentrer trop dans le détail, donc c'est vraiment des images que vous incitez après à vous référer au numéro 1895, puisque ces choses sont présentées plus précisément dans ces deux ensembles. Donc Ogallo, par exemple, lorsqu'il fait paraître dans la presse ou sur plaques de verre les mêmes scénettes comiques, modifie le rythme des dessins, car la planche illustrée est un regard d'ensemble, tandis que la projection de plaques de verre au moyen d'une lanterne permet le hors-champ et fabrique une énonciation en plusieurs temps. Ainsi, le concept d'intermédialité aide à penser la diversité de leurs pratiques. Par contre, celui de série culturelle, qui lui est parfois associé, n'est pas sans poser problème. En effet, si l'on s'intéresse à la caricature politique de l'actualité, par exemple, on constate tout d'abord qu'elle constitue un temps l'activité principale de Cole, avant d'être relégué au début du XXe siècle au profit d'une caricature culturelle ou sportive. Cole aurait, d'après Marcel Lapierre, importé le genre au cinéma puisqu'il illustrait de ses dessins le journal cinématographique d'Éclair, assertion confirmée par la présence dans ses archives d'une carte de presse établie au nom de l'Éclair Journal et datée de 1920, alors qu'aucun élément filmique n'a été préservé. La pratique est néanmoins envisageable, car Robert Lortac produisait la même année, sous le titre d'Un canard en ciné, un supplément dessiné au Gaumont Journal. Le transfert d'un média à l'autre, du journal au cinéma, était rendu possible en raison de la légitimation culturelle du dessin d'actualité, constituant dorénavant un genre illustré à part entière. Toutefois, l'étude du canard en ciné montre que la transposition au cinéma des caricatures en lien avec l'actualité ne s'est pas opérée sans de profondes modifications. Si les parties pris visuelles des dessins sont comparables, il s'agit toujours de genres très charges, les sujets traités sont très largement consensuels. La série culturelle n'est donc qu'apparente, puisqu'en transitant du journal à l'écran, l'actualité dessinée a perdu ses ambitions journalistiques et politiques. Pour se légitimer comme genre cinématographique, elle a puisé ses références dans le cinéma lui-même, comme le suggère l'introduction d'un personnage récurrent, ressemblant à Chaplin et de nommer Sherlock Holmes. Réflexion qui souligne que lorsqu'on décrit des séries culturelles, afin de penser des phénomènes formels d'intermédialité, on est parfois conduit à mésestimer l'hétérogénéité induite par ces transferts, résultat de procédures industrielles de production ou de diffusion spécifiques aux arts et aux techniques. L'affirmation donc d'une discontinuité des modèles de pensée et de voir ne doit pas occulter les parentés industrielles. En ce début du XXe siècle, ces trois animateurs ont en effet trouvé à s'employer dans un secteur dont l'essor commercial est constant et dont ils importent les usages au cinéma, que cela soit celui des objets culturels à destination de l'enfance. Cole anime des jouets et met en scène de jeunes enfants. Marius Ogallo relate en album, en plaques de verre ou en film, les aventures d'un médecin spécialiste de la greffe animale dénommé Dr. Mini Mello. Et Robert Lortac adapte au cinéma les aventures d'un personnage baptisé Toto ou Touche à tout. Bien connu des ouvrages pour enfants du 19e siècle et déjà présent au catalogue de vue sur verre des éditions La Pierre. Objet culturel de l'enfance, depuis le 19e siècle, et en particulier la publication chez l'éditeur Hetzel du premier numéro du magasin d'éducation et de récréation, c'est un magazine, c'est là le terme magazine d'ailleurs apparenté à cette première dénomination, le magasin d'éducation et de récréation, donc conçu par Jean Massé, le fondateur de la ligne de l'enseignement. Donc ce partage entre visée récréative et instructive, ou qui justifie le jeu par la pédagogie et inversement. Le cinéma d'animation naissant a donc la particularité de combiner des modèles récréatifs ou instructifs spécifiques à l'industrie de l'illustration et aux objets culturels de l'enfance avec des paradigmes spectaculaires issus des arts de la scène et de la représentation. Ces illustrateurs sont donc conduits à adapter leur univers d'un support à l'autre, transfert qui, comme on a pu le montrer, modifie les rythmes narratifs et influe sur les contenus. On peut encore s'interroger sur ce que produit le passage au cinéma d'une stylistique venue de l'illustration, ou autrement dit, qu'advient-il du tracé, du trait, lorsqu'il transite de la page à l'écran. Cole, Ogallo et Lortac appartiennent à une tradition qui s'est développée à partir de la caricature ou du portrait-charge, et qui repose sur ce qu'on peut décrire comme une mise à mal ou malformation des corps. Procédé qu'ils importent au cinéma, puisque nous retrouvons ces présupposés graphiques dans nombre de films. Cole, par exemple, emploie l'image par image afin de distordre les figures au gré des métamorphoses. Ogallo invente des êtres hybrides, et Lortac maltraite ses personnages, en jouant des désagréments physiques induits par la modernité mécanique. Figuration qui puise dans les ressources du grotesque, celui généralisé par la caricature, une démesure des traits physiques afin de créer du spectaculaire. Dès lors, les grimages, les comportements outranciers caractérisant le cinéma et sa traction ne seraient pas exclusivement inférés de pratiques scéniques populaires comme le théâtre de vaudeville, où c'est la proposition André Baudreau, par exemple, mais pourrait aussi être pensé comme relevant de modes de représentation présents à plus d'un titre dans la société française au tournant des 19e et 20e siècles, puisque véhiculés par nombre de pratiques culturelles et y compris la caricature. Proposition qu'on peut s'efforcer d'essayer d'étayer en observant le traitement des situations ou des personnages dans ces trois films. dans ses premiers films, soit avant son départ pour les États-Unis en 1910, mêle séquences animées et scènes de prise de vue réelles. Les dessins sont caricaturaux et pour ses mises en scène, il recourt à des acteurs grimés dont le jeu s'inscrit dans ce qu'André de Baudreau et Tom Bening ont désigné comme le cinéma des impressions. Et qui, dans le cas de Cole, témoigne aussi de son passé d'acteur et d'auteur de vaudeville, puisqu'il a entre autres joué au Grand Guignol. Référence à un grotesque théâtral qui, selon Cole lui-même, le distingue de Georges Méliès, comme le révèle le prologue du Magnétoscope. Cole met en scène un personnage affublé d'un costume de clown dont les gestes à destination d'un écran blanc font apparaître des notes de musique qui se transforment immédiatement en caricature dessinée. La gestuelle est tout à fait comparable à celle de Méliès dans Le Mélomane, lorsque celui-ci lançait sur une portée dessinée son propre visage, composant autant de notes à son effigie. L'animateur a donc choisi d'opposer à l'élégance du magicien le grotesque du clown, dont les traits sont soulignés par les bizarreries du maquillage ou du costume. Personnage désigné de cette façon comme une sorte d'alter ego et qu'il emploiera à l'identique dans nombre de films réalisés pour Baudreau. Dès lors, si l'on en croit le prologue du Magnétoscope, la figuration grotesque des corps et des visages serait un équivalent cinématographique à la caricature. Procédé de distorsion et de déformation des corps qu'on retrouve également dans les filmographies de Marius Bogallo et Robert Lortac. On a déjà signalé pour Bogallo les curieuses greffes animales du docteur Benimelo dans Touche à tout, Annie des bêtes, auxquelles s'ajoutent les maltraitances subies par l'héroïne de Bécassotte à la mer. Bécassotte, alors qu'elle a manqué se noyer, est ranimée par un pêcheur qui, grâce à une pompe à puits, lui fait recracher sans ménagement l'eau qu'elle a ingurgitée et nombre d'objets disparates abandonnés dans les fonds marins. Tandis que Lortac malmène à de nombreuses reprises son personnage de Big Fellow, nous montrant en gros plan son visage grimaçant de colère ou de douleur, modification caricaturale des traits physiques qui de nouveau fondent la charge comique. Le cinéma d'animation des premiers temps partagerait avec le cinéma des attractions des caractéristiques provenant du théâtre populaire comme l'adresse au public. Il introduirait, par contre, dans l'histoire du cinéma, une catégorie nouvelle qu'on peut désigner sous le vocable du grotesque. Le cinéma d'animation des premiers temps en France forme donc un ensemble esthétique où se côtoient indifféremment pratiques attractives et portraits charge, soit des gestuels spécifiques au corps ou au visage. Or, le cinéma d'animation naissant n'est pas exclusivement composé de sujets récréatifs, comme on l'a déjà signalé, puisque nombre de films témoignent de visées instructives. Les études ont le plus souvent souligné la présence dans le cinéma d'animation des premiers temps de phénomènes scopiques directement issus des jouets optiques, tels les chromatropes. Mais elles ont ignoré les modèles didactiques importés des séances de lanternes magiques. Film qui montre que le cinéma d'enseignement n'est pas une activité en marge apparue au lendemain de la guerre, puisqu'une majorité des films d'animation réalisés par Cole entre 1908 et 1910 ont manifestement été conçus à des fins pédagogiques. La pratique semble plutôt concomitante, voire intermédiaire, entre le cinéma des attractions et institutionnalisation narrative. Paradigme didactique qu'on retrouve dans la plupart des objets culturels à destination de l'enfance et qui résulte d'une socialisation culturelle des images généralisée au XVIIIe siècle à la suite de la publication des planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Compréhension sociale des images qui constitue très certainement une spécificité française, car incarnée dans le parangon républicain propagé par l'école laïque. Dès lors, la prégnance et la constance de ces modes de pensée et de voir pourraient suggérer que la marginalisation au cinéma d'emploi instructif des images résulterait bien plutôt de choix industriels et institutionnels ultérieurs. Les films d'enseignement réalisés par Cole pour la société Gaumont comprennent des sujets d'histoire, de vulgarisation technique ou scientifique, mais aussi des lettres et des arts. Ils peuvent être visionnés seuls ou accompagnés par la parole d'un conférencier, soulignant les propriétés discursives ou lexicales des mises en scène. Ils s'adressent indifféremment aux enfants ou aux adultes. L'école moderne, par exemple, co-réalisée avec Étienne Arnaud, constitue très certainement une mise en énigme emblématique de ce qui se joue alors dans la compréhension de la projection des images. Un livre dessiné ouvert structure le cadre, l'espace de gauche est occulté par une page blanche où nous pouvons lire un nom, alors que dans celui de droite avancent tour à tour des personnalités issues des lettres ou de la politique, une fois des lettres de l'histoire plutôt, une fois parvenus au premier plan, ils prennent place en une pose statuaire. Le systématisme discursif, renforcé par la répétition visuelle, apparente le film à une projection d'image fixe, où les vues peuvent être employées comme support à un exercice de lecture, décryptage du sens des gestes par exemple, tandis que l'éloge des lettres participe en retour à une légitimation culturelle du cinéma. Cole décline ses sujets en une série de scènes, parfois une vingtaine, comme cela se pratique pour les plaques de lanterne, qui se succèdent à l'écran sur le mode du passe-vue, qui chasse et montre les images les unes après les autres. Dans les chapeaux des belles dames, par exemple, il présente tour à tour dans un cercle dessiné des femmes arborant de somptueuses coiffes, alors qu'en dessous, une date situe le chapeau dans l'histoire. Ces films peuvent aussi associer au mode d'énonciation des séances de lanterne des présentations inspirées des revues théâtrales, comme dans L'éventail animé, par exemple, où ils disposent en une succession de vues des scènes comme des tableaux, où des groupes de femmes sont censés représenter Ève, Sappho, Cléopâtre, Messaline, la belle Aude, mais aussi la Parisienne, et seule la respiration des corps différencie le film d'une projection de vue. Dans Les Couronnes, il emprunte ses modes de représentation ou d'énonciation aux séances de lanterne, aux revues, mais aussi aux livres pour enfants. Le film est à la fois un sujet d'histoire et un exercice de vocabulaire, car les tableaux se succèdent sur un mode chronologique, tandis que les situations représentent des expressions verbales. On découvre ainsi le Christ et la couronne d'épines, des Romains et une couronne de laurier, de jeunes mariés et une couronne de fleurs d'oranger, la couronne des bons élèves, etc. Le tout petit Faust ou le petit Chanteclerc sont des adaptations dont l'ambition littéraire est avérée. L'ajout de l'épithète petit, soulignant qu'il s'agit d'une version réduite par la durée, mais aussi en raison de la technique employée car le film anime des poupées, ou encore parce qu'il peut être montré à un jeune public. Cole s'est aussi essayé au film de propagande hygiéniste et Le songe du garçon de café, où nous découvrons les rêves d'un serveur qui sont autant de situations de délirium très mince. A très certainement été réalisé afin de dénoncer les méfaits de l'alcool. Le message néanmoins perd en didactisme car l'animateur joue des métamorphoses ou du grotesque. Parmi les films réalisés par Marius Ogallo et Robert Horta, on trouve également des films didactiques, sujets de prévention contre la syphilis, la tuberculose ou l'alcoolisme, entrepris au cours de la Première Guerre mondiale sous la tutelle scientifique du docteur Jean Corandon, inventeur de la microcinématographie. Ces sujets participent de plusieurs registres de monstration. Leurs mises en scène sont extrêmement simples et reposent sur un espace scénique frontal où des personnages s'affrontent en une joute physique ou verbale. Les propos sont appuyés par l'ajout de phylactères, tandis que les spectateurs sont systématiquement pris à témoin. Quelques rares procédés d'emploi des visages, dans On doit le dire, de Gallo par exemple, évoquent encore une lointaine filiation avec la caricature. Nous découvrons en effet, en gros plan et en prise de vue réelle, les traits fatigués d'un homme abîmé par la maladie, gros plan qui fonctionne comme un portrait charge. Ces films qui comprennent encore de nombreuses adresses aux spectateurs sont donc très largement imprégnés des modèles cyniques issus des attractions. Ils méconnaissent le hors-champ et surtout ils négligent les mises en scène des déplacements sur l'horizontalité, qui ont des spécificités à venir. L'institutionnalisation du cinéma d'animation français, c'est-à-dire la standardisation des pratiques et la normalisation du langage filmique à des fins narratives, serait donc en décalage d'une décennie avec le cinéma de prise de vue réelle, puisque la relégation des codes issus des attractions au profit des critères syntaxiques ne s'opère qu'au lendemain de la Grande Guerre. Institutionnalisation narrative qui, pour s'opérer, aura dû s'affranchir à la fois des références spectaculaires issues des attractions, mais aussi des procédures d'énonciation didactique vulgarisées par les séances de lanterne magique. Les animateurs paraissent avoir trouvé dans l'image imprimée, dans le récit en planche ou en album, l'art d'une composition en cases qui, à travers le dynamisme des graphismes, en associant des détails vus d'ensemble, permettait de créer des effets de montage. Ainsi, la technique de l'image par image s'est affirmée comme récit cinématographique lorsque les animateurs importèrent au cinéma des personnages et des situations probablement diffusés en bande dessinée ou dans la presse, comme cela se pratiquait au même moment outre-Atlantique. Le cinéma d'animation des premiers temps propose donc à la réflexion un espace où se rencontrent de multiples séries culturelles. Il est le fait d'illustrateurs qui, employant l'arrêt caméra et l'enregistrement image par image d'objets ou de dessins, composent ou inventent un mouvement grâce à une décomposition en phase, sur le modèle, entre autres, des jouets optiques. Caricaturistes de formation, ils adaptent le portrait-charge aux pratiques scéniques dites des attractions, en recourant à une mise à mal des corps et des visages, qui s'apparentent à un art du grotesque. Illustrateurs, trouvant à s'employer dans la presse illustrée ou dans l'industrie des objets culturels de l'enfance, ils importent au cinéma une dialectique singulière partagée entre pratiques récréatives et instructives. Expériences qui leur permettent tout d'abord d'échapper à la relégation du trucage dit de l'arrêt caméra qui emportera Georges Méliès en recourant au modèle didactique des séances de lanterne magique. Et alors que le cinéma des attractions disparaîtra au profit d'une évaluation syntaxique et narrative du langage cinématographique, ils trouveront dans l'album ou dans la bande dessinée un art de la composition en images qui leur permettra à nouveau de perdurer. Ainsi, l'histoire du cinéma d'animation en France apparaît comme une longue suite d'adaptations à des paradigmes de légitimation d'Alide. Elle montre comment, grâce aux ressources de l'inventivité, cette première génération a contribué à faire de l'animation du cinéma, tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses là qui m'ont intéressé. Milieu des historiens du premier temps, des choses qui sont dites là. Là, je note la dépolitisation au moment du transfert entre la caricature de presse et le dessin animé, qui est vraiment important, et puis on fait une, non pas une négation, mais une sortie de la question de la série culturelle, qui est quand même une chose importante dans le travail. Et puis, je note aussi le côté élégant du mélomane de Méliès, qui s'oppose au côté grotesque travaillé de Paul. Extrêmement intéressant pour le rapport à l'attraction. Je me souviens avoir évoqué cette question, enfin les deux à la fois, c'est-à-dire que dans le grotesque chez Cole, ce sera la première question, et ensuite on a à nouveau quelques minutes pour discuter. Je veux bien, pas exactement une question, mais finalement c'est un ajout logique entre le grotesque et le politisé. C'est quelque chose que dans un autre livre qui était largement, enfin, qui était tout aussi beau que celui de 1895, il y a eu deux livres, il y en a même eu trois à la même époque sur Cole qui étaient tout à fait fascinants et très beaux, très bien faits. Et celui des éditions de l'œil, là j'avais proposé l'idée d'un virus fantasmagorique, et cette idée c'était celle précisément de lorsque la politique, la politique de la caricature, c'est-à-dire la puissance, disons, d'énergie qui est dans l'aspect politique de la caricature, a bien dû être quelque part dans le dessin animé de Cole. Et donc, peut-être aussi dans ce transfert avec des politisations, on trouve aussi dans des lieux qui ne sont pas directement prévus cela, quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelais le virus, mais qu'on pourrait appeler l'aspect politique de la caricature, hein, qui est de tout temps, qui existe encore aujourd'hui. C'est effectivement très juste, et c'était juste un fil qu'il faudrait bien sûr tirer plus longuement, mais ça apparaît dans le film, très fortement dans le film qui marque la rupture entre Beaumont et Cole, qui est la musicomanie. Il semble que ça soit... alors c'est ambigu par rapport à Cole, puisque Cole a été décoré, non pas des palmes académiques, mais par Édouard Herriot, une espèce de... décoration qui avait à voir avec l'instruction publique, au moment où Édouard Herriot était ministre des Beaux-Arts et de l'instruction publique. Et il y avait chez Cole un souci quand même de l'instructif, du sérieux, du doc, etc. Tout le temps balancé par le désir de la charge et de la caricature. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que Gaumont, puisque Gaumont avait à l'époque développé l'encyclopédie Gaumont, est-ce que c'est Gaumont qui a tiré Cole vers le didactique ou est-ce que c'est Cole lui-même qui a été vers le didactique? Et en tous les cas, donc, pour répondre à cette ambivalence, le dernier film qu'ils réalisent ensemble me semble tout à fait pertinent, c'est la musicomanie. Il y a à la fois la dénonciation en vue successive, comme la séance de l'alternative présente des portraits de musiciens connus, fameux, des instruments de musique, donc vraiment tout le support de lecture qu'on a dans les séances de lanterne magique. Et en parallèle, on a la scénette en prise de vue réelle avec deux acteurs qui sont grimés de manière mais extrêmement outrancière, c'est un faible mot, où elle a un espèce de gros poireau poilu sur le front, le menton, etc., et qui casse tout dans le décor. Et c'est le film qui a mis fin à la collaboration entre Gaumont et Cole. Et je me suis demandé justement comment Cole n'avait pas détourné la commande, c'est-à-dire Gaumont lui commandait un sujet didactique sur la musique et il lui livrait cet objet très étrange avec une très grande violence, hein, il casse tout, ils sont très sales, etc. Et affirmant ainsi la caricature. Et la caricature, donc, on l'aperçoit donc, également aussi dans... sur le titre exact, le film qui fait référence aux incohérents, celui avec les dessins colorés, le peintre néo-impressionniste, où dans ce film, par un jeu de métamorphose, il arrive à traiter le lion au nom de chameau, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, en retournant le vaisseau. Donc chez Cole, effectivement, c'est une œuvre qui demande encore énormément de travail pour comprendre les ressources de l'inventivité visuelle et puis des univers auxquels il se réfère. Mais effectivement, ce grotesque me semble, et ça paraît très juste, la transposition au cinéma d'une charge politique qui ne peut plus s'exprimer, qui ne peut plus s'exprimer pour des raisons de censure, qu'elles soient économiques ou politiques. C'est une question qui dépasse l'histoire. À toute époque, on peut se poser la question de la dépolitisation du cinéma d'animation, c'est quand même une question qui traverse les siècles, et on peut se demander si la caricature, qui est quand même extrêmement violente et politique, dans les journaux, peut perdurer dans l'animation, ou bien s'il y a toujours ce transfert par dépolitisation. Voilà. Aujourd'hui, on serait peut-être un peu à l'envers. Quoi. Je pense que le summum de la politisation qu'on imagine en animation, c'est Harry Folman avec Walter avec Bashir, et on est plutôt dans l'académisme que dans la caricature. Donc on est dans une démarche totalement contraire. C'est très étrange, parce qu'il y a une énergie, une puissance dans la politique du dessin, enfin, dans le dessin politique, qui traverse les siècles. Si McLaren s'intéresse à Cole, c'est aussi pour ça. C'est aussi un militant. Alors, je ne vais pas tout monopoliser la parole, et puis on va faire une pause, et c'est bien de ne pas trop parler, mais il est important que chacun puisse poser des questions. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Hervé à l'instant par rapport à la fantasmagorie, et par rapport à ce que vous avez dit l'un et l'autre dans vos deux interventions. Je pense qu'il y a un fil qui n'est peut-être pas suffisamment tiré ni en exergue, qui serait de s'interroger sur l'origine même de la fantasmagorie, mais d'un point de vue thématique. Et très schématiquement, vous reprenez le travail, par exemple, de Robertson, les fantasmagories, un rapport de Cole à son maître en caricature, et là, on rejoint la question, justement, du politique, et éventuellement de la dépolitisation. C'est André Gilles qui a produit une caricature qui s'appelait Fantasmagorie, et moi je me demande actuellement, et qui représente d'ailleurs, je crois, un épisode guerrier, hein, de l'époque, la Prusse notamment est mise en scène d'après mon souvenir, et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas déjà d'ailleurs déperdition chez Cole lui-même dans cette citation de Gilles, dans son film de 1908, Fantasmagorie, à la fois de cette source graphique, de sa réutilisation dans le mouvement, d'une citation politique mais qui est déplacée et qui deviendra encore autre chose après. Alors, j'ai l'impression que c'est un fil très intéressant qui pourrait permettre aussi peut-être de décatégoriser en partie certaines discussions qu'on a qui sont extrêmement compartimentées, qui en même temps sont très intéressantes sur un plan méthodologique, mais qui, me semble-t-il, ne parviennent pas encore à prendre la totalité des questions qui sont soulevées par notamment le travail de Cole. Alors je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, effectivement, hein, je le digne et je le redigne. Sur Cole, il y a encore énormément de choses à comprendre, surtout par rapport à son goût des rébus, hein, ce qui fait que ces films sont constamment en train de déployer encore autre chose. Chaque plan qui se succède sont des métamorphoses où ils jouent sur les jeux de mots visuels, mais aussi sur les expressions de langage. Pour Fantasmagorie, c'est très juste, hein, puisqu'on va voir dessiner, par exemple, le personnage enfermé dans un panier à salade au moment où il est arrêté justement par la police. Donc il y a également dans ce film une dimension, on va dire, politique, même si les métamorphoses sont trop vite pour moi, j'arrive pas à tout comprendre. Alors, ça me paraît, ce que j'ai essayé de faire là aujourd'hui, c'est juste un état d'une recherche qui sera sans doute, et je l'espère, alimentée par d'autres recherches à venir. C'est montrer qu'effectivement, alors nous historiens, parce que je suis historienne, on avance petit à petit pour essayer de comprendre, à la fois pour garder la mémoire des œuvres, c'est le principal de mon travail, c'est effectivement de ramener aujourd'hui des choses, des objets qu'on avait écartés parce que le temps va très vite, mais également de poser des catégories afin de comprendre, ou en tout cas d'interroger ces objets. Et le travail que j'opère là, très modestement, c'est de montrer que les catégories qui sont posées par d'autres disciplines peuvent nous intéresser, nous, gens de cinéma. Et effectivement, donc, j'ai amené, et c'est une grande partie de mon travail autour du cinéma didactique, hein, du cinéma d'enseignement ou du cinéma pour la jeunesse, rappeler qu'effectivement, on a, pour cette première génération, on le voit, une hybridation, c'est le sujet de votre travail, une hybridation des formes, des pensées, etc., qui montre qu'effectivement le secteur n'est pas encore constitué, donc il est poreux, il s'ouvre, et que ces catégories peuvent nous permettre, en retour, hein, effectivement elles viennent d'autres disciplines, elles nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe, et en retour elles peuvent aussi nous permettre de mieux comprendre le cinéma lui-même. Hein. C'est plutôt des propositions dialectiques comme ça que j'essaye de faire, voilà. Et la fantasmagorie est aussi une de ces catégories, bien sûr, qui reste encore à creuser. Elle a déjà été abordée, je parle de Laurent Manoni dans un certain nombre de ses travaux. Par rapport au spectaculaire, il y a aussi des chercheurs qui ont travaillé, donc justement ceux qui travaillent plutôt sur les lanternes, ouais, il y a autour justement du mot, enfin de l'émotion de l'œil, des phénomènes scopiques, hein, du sens de l'œil. Il y a tellement de choses à faire encore. Merci beaucoup. On fait une petite pause d'une dizaine de minutes. Il y a du café, du thé à boire pour la salle. Voilà, on prend une dizaine de minutes.